Avec qui? Pourquoi? Mais on avait pas dit qu'on se retrouvait? Ah, mais t'es chiant, putain! Non, mais c'est bon, bah, très bien, bah, moi je sors à ce moment-là, et puis on se verra, je sais pas, on se verra lundi, la semaine prochaine ou pas d'ailleurs, j'en ai rien à foutre. Hier j'ai revu Sophie entre 11h et midi. J'ai écouté sa vie, ses gaietés, ses soucis. Je pense que c'est par magie si elle est tombée dans mon lit. Des réflexes ont ressurgi et c'est là qu'elle a hurlé. C'est vrai que j'ai pas toujours écrit sur du très beau papier, mais mon encre s'est vidée et on a recommencé. Pendant une heure seulement, j'ai dit merci à la vie avec un peu de mélancolie. Mais c'est ainsi avec Sophie, c'est si facile cependant de remonter dans le temps. On s'était vu un an, nos routes avaient pris un tournant différent, mais maintenant elle ne peut plus me dire non. Même si je perds inconsciemment la passion de ces instants. Que je la trouvais belle, je m'en rappelle quelle demoiselle. Les mecs tournaient tout autour d'elle. Voulait tout, elle donnait tout d'elle. Était tout et j'étais fou d'elle. Mais aujourd'hui, je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Pour la vie. Aujourd'hui j'ai revu Marine une soir, puis elle est partie. L'air sévère, capricieuse, mais qu'est-ce que je lui ai mis? Un semblant d'innocence, toujours souriante. Ouais. C'était sympa, je retenterai, mais vraiment elle est trop chiante. Déjà mariée, deux gosses et un mari sympa. Moi, je reste à table à lui parler de mon célibat. Et les médecins et l'avocate, la pire idée quoi? Dire qu'à l'époque j'ai opté pour un autre choix. Pourtant elle m'a fait disjoncter la demoiselle. J'étais pas amoureux d'elle, cependant qu'est-ce qu'elle est sensuelle. Je veux la revoir, encore m'étreindre dans le noir. Sentir son souffle chaud et son regard irriter ma mémoire. La seule chose qu'elle voulait, un mari en qui croire. Dire que c'est ce qu'on dit qui la caresse chaque soir. Lui s'entend bien avec ses parents, c'est un type gentil. Son choix de vie, maison, piscine, Audi, vacances à Tahiti. Je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense que je t'aime pas. Que je t'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense que je t'aime pas. Que tu m'aimes pas. Que je t'aime pas. Que tu m'aimes pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense que je t'aime pas. Que tu m'aimes pas. Que je t'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Demain je verrai Samantha, j'en suis sûr, elle est pour moi. Elle est plus belle que mon ex, travaille dans le cinéma. Intelligente, marrante, exaspérante, charmante. Un peu chiante c'est sûr, use de ma patience. J'aimerais pouvoir lui dire ce que je ressens. Mes sentiments la feraient fuir, donc je ferai sans. Elle fuit quand je m'approche, m'approche quand je fuis. Je l'appelle, elle décroche, je m'accroche, elle raccroche. Tant pis, tant pis. Ma tête tourne comme une toupie, tellement vite que mes pensées pour elle me donnent le tournis. S-A-M, deux consonnes et une voyelle. Bébé, je pense que je t'aime. Welcome to the love game. Et même si elle se fout de moi, quand je pense à elle, mon cœur fait. J'ai de la peine de devoir dire ça. Aucune affirmation, mais je crois bien qu'elle ne m'aime pas. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle ne m'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle ne m'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle ne m'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'elle ne m'aime pas. Que je veux pas toi chérie, ne m'en veux pas. Pourtant tu l'avais bien déglinguée celle-là. Ah, c'est vraiment dégueulasse.